María. En toute la rue Pétionville, sous seule parole qu'a parlé. Maria Contensanti. Maria parle à des chaudières, dans journal, dans télévision. Sous seule cause, il y a pétendé. Maria Contensanti. Oh, Maria. Toute la journée, la paix marché, pas qu'on pose le palais. À droite, à gauche, du bon macho, à pérer. Il bien poudré, il maquillé. J'avais passé ma pointe. Si on t'y va passer, Pika, fouiller l'allée. Oh, Maria, tout le monde. Maria, comment senti? Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, comment senti? Maria, on va t'a fait moi ça. Toute la journée, la vie marchée, ou pas qu'on vous dit le calais. À droite, à gauche, du bon Mathieu, à Pérelé. Il bien poudré, il maquillé. Ah, on va vous le bras, allez, papa. Si on t'y va passer, il va vous délaler. Ah, coupa, coupa. Tiens, si tôt. Stop.